Esa. Ya. Ya. Un commentateur se révèle qui va voir tout son commentaire pour suivre les temples se révèle comme une figure des souliers. Ceux qui, sous la condition de travail rempli, se fatiguent de chercher le plaisir de la lecture, commentaire et même l'innocence de leur pauvre devenir, le passé et le témoin. Quand on est en face de marginal et qui vend son habitude, et encore pire si on écrit à promiscuité, on se place dans une sorte d'existence monolithe qui fait que ses effusions et orgasmes sur l'écran de la vitrine soient quelquefois en dialogue avec son ange, sous forme de copine de l'autre bout de la France, qui se confie des copines de l'Espagne qu'on sait qu'elles tiennent à nous, et quelquefois on est allumé devant un Skype. Et tout cela n'est pas seulement érotique, malgré qu'une forme d'analyse impure, mais aussi souvent en échange qui peut modeler l'angoisse, pour créer des pics d'euphorie, la dépression. C'est pour cela, pour tout ce qui devrait sans hésitation accompagner l'existence de la monade, que la Béatrix du Dantesque forcément assimilable au souris dont la figure fait question dans le livre de la meilleure tradition persane. Et dans cette affaire de fantaisie de l'amour, le silence de la modernité critique consciente de l'horreur de l'autre modernité de la boucherie, voire distante aristocratie de l'esprit, peut se mettre en scène par des acteurs qui seront nos critiques, ou divagueront par les parapluies en grande surface, en galerie de miroirs, et les deux choses en même temps, avec la nonchalance de qui prend la douche avec une charmante inconnue. C'est évident que de s'envoler avec à peine quelques lignes et se rabarbisser d'une légèreté d'adolescent perdu. Respecter un peu comment les gens arrivent à vieillir, comment ils pensent et comment ils se disent toujours qu'ils sont jeunes. Vous ne pouvez faire violence en permanence au malheur psychique s'ils ne font que des efforts pour se créer un combat. Et je ne veux épargner à aucun lecteur le déliatorement onirique pénible de conscience que l'âme traverse par la lumière, que ce soit chez Sorabardi ou dans la lecture de Phidias ou Rui, ou même par le mystère des filles de Salomon et de Béatrix qui se nichent dans nos nostalgies. Yeah.